Alors, devant les micros, Michel Ryss. Oui. Bonjour. Oui, bonjour Gilles Malatré. Ah, Michel Ryss, alias l'écorceneur. Oui. Voilà, alors, je ne sais pas par où commencer, parce que je ne suis pas un intervieweur qualifié, mais... C'est rien, tu récoltes. Voilà, je récolte. Donc, tu peux nous dire deux mots de ton passage ici, ou de les rapports au paysage inouï par rapport à... La question est vaste. Oui, les paysages inouïs, c'est vrai que je travaille là-dessus. Je me suis rendu compte que je travaillais là-dessus. Là, on était à off the record avant, ou peut-être que ça tournait déjà, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, avant, on parlait de convergence et de choses qui partent de là le temps et l'espace. On se dit, tiens, c'est drôle. Pendant que moi, je pensais être tout seul, isolé, à m'occuper de ça. Il y avait plein d'autres gens en fait qui alors est-ce que c'est les lectures des Schaeffer, Pierre et Murray, est-ce que c'est ou de Cage, je crois pas moi. En fait, ces lectures là, d'abord je suis pas un grand lecteur, je suis pas un grand consommateur, mais évidemment j'ai plein de bouquins chez moi, j'en achète énormément, j'en lis très peu. C'est le côté collectionneur. Ça me rassure. Ah. Et en fait, c'est des gens qui me rassurent. C'est très drôle parce que souvent, j'ai fait des expériences vécues et spontanées. En fait, moi, je me rends compte que depuis aussi loin que ma mémoire me transporte, c'est-à-dire vers l'âge de 3-4 ans, je me vois déjà en train de jouer avec les sons, en train d'être plus passionné finalement par le son en lui-même, comme dit Cage, qui me suffisait. Ouais. Alors que la musique m'apparaissait déjà comme quelque chose de très... C'était un truc de grand, quoi. Un truc de sage. Ouais, tu sais, Cage, il dit... Alors c'est marrant parce que je lis peu, mais je retiens très très bien. Et je dis, j'ai jamais pu écouter un son sans l'aimer. Ouais. Le seul problème avec les sons, c'est la musique. Ouais, alors ça, il avait le sens de la formule la plus derrière. Oui, et surtout quand j'entends ça, quand je lis ça, je me dis, mais je suis tellement d'accord. Mais évidemment, je suis d'accord parce que j'étais cette même expérience de la vie dans le son. Et quand il dit ça, j'entends, qu'est-ce que j'entends? Moi, j'entends... j'ai jamais pu regarder un enfant sans l'aimer. Le seul problème avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. Il y a un côté comme ça. Parce que le son est innocent, si tu veux. Pour moi, le son, il garde l'innocence que n'a déjà plus la musique, qui est compromise dans des tas de sales histoires. à peine on a commencé. Hein. Bon, bref. Donc, ça, c'est ça mon rapport au paysage inouï, quelque part. Et donc, alors que je ne suis pas un chercheur universitaire, de temps en temps, dans ma vie de chercheur, tu sais, moi, j'ai l'impression d'être un musicien-chercheur. Mmh. Et là, je dis à nouveau que je suis musicien, parce que c'est vrai, je suis musicien, je suis créateur sonore, si on veut, c'est plus libératoire. Et Varèse lui-même, quand il voyait ce qu'on faisait de la musique, entre guillemets, il disait, non, mais moi, je ne suis pas compositeur, je fais du son organisé. Et ça le libérait. Et je pense qu'on est très nombreux comme ça, musiciens, compositeurs, créateurs sonores, à avoir besoin de se libérer d'une certaine idée de la musique. J'ai eu la même conversation avec Lorenz Barber. Ouais. Avec Lorenz Barber, quand il m'a parlé de sa révélation qu'il avait eue avec les cloches, ouais, et de ses concerts de ville, il m'a dit, parce que lui, il vient vraiment de la musique contemporaine, au sens, il a fait tout le parcours, il écrit toujours avec des notes d'ailleurs, c'est son... Ouais. Bon. Mais pas que, il écrit avec des situations, avec des clochers, avec etc. Donc voilà, il écrit avec des dispositifs quand même très très très très riches, quoi. Et s'il m'a dit, avec son accent, il parle très bien français, mais j'étais libéré. Et il y avait des étoiles dans les yeux tout d'un coup quand il a trouvé cette manière. Ouais. Alors Lorenz Barber, voilà quelqu'un qui fait des paysages inouïs. Oui, complètement. Il y a quelque chose qui cloche dans ses paysages. Il a du batteur en plus. Et donc voilà, tu vois, je digresse, mais c'est ça qui est bien. Avec Gilles Malatré, on a le droit de digresser. On a le droit, on est même là pour ça. On s'offre même le grand plaisir de digresser. Oui, exactement. Et donc, tu vois, c'est chaque fois qu'il y a une phrase comme ça, qu'elle soit de Pierre Schaeffer, de Murray Schaeffer, de Cage, bon, c'est vraiment des auteurs phares, c'est sûr, mais mais elles résonnaient et je les ai retenues parce que j'avais vécu ça. Donc je peux pas dire que je me suis... moi, je me suis jamais inspiré d'archives, en fait. C'est en ça que je ne suis pas un chercheur universitaire. Je ne travaille pas sur des archives, je travaille sur mon vécu de tout... Hier, on t'a en anglais, on t'a appelé Sound Lover, je crois. Ah oui, c'est vrai. Voilà, mais je crois... c'est pas faux. On est des amoureux du son, ouais. Quoi, je crois. Et donc, cette histoire de symposium de son inouï, ça me permet... Ben, comme quand on s'était rencontrés un petit peu aux États généraux du son. C'est-à-dire que ça permet à la fois de retrouver des gens qu'on voit trop rarement et de rencontrer des gens qu'on rêvait de rencontrer et qu'on ne peut jamais rencontrer et en même temps de découvrir des gens qu'on n'imaginait même pas qu'ils existaient. Donc c'est le bon endroit. C'est le bon endroit. Bonne connexion. Voilà, exactement. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur les paysages inouïs? Non, j'ai découvert en rédigeant. C'est la première fois que j'essaye de faire une communication où j'ai tout écrit. J'ai tout écrit et j'ai tout écrit la traduction en anglais en sous-titres parce que il y a pas mal de public non francophone ici. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Hildegard de Serkamp avait été invitée à Paris 8. Oui. Et elle avait fait sa communication, c'était sur les transitions sonores. Et elle avait fait un très bon devoir qu'elle avait rédigé en anglais et que je pense des étudiants l'avaient aidé à traduire en français. Donc c'était entièrement sous-titré. Donc ce qu'on lisait en français, c'était vraiment exactement le texte qu'elle disait. Et j'avais trouvé ça finalement. C'était un devoir de bon élève, mais c'était vachement bien. C'était très très honnête et... Mais en plus, elle a une voix, enfin moi je l'entends dans ses compositions narratives, où il y a sa voix et en même temps des sons, elle a aussi un charisme vocal. Oui, non mais pas que vocal en plus. Ben oui, non, elle a un charisme elle dégage quelque chose de... Une grande dame du paysage. Oui. Mais peut-être inouï ou pas, je sais pas, mais agréable à entendre. Là, en fait, voilà, pour moi, c'est toujours inouï parce que c'est... Voilà. Rien ne se répète dans le son, à l'identique en tout cas. Et oui, tant que c'est vivant, c'est non reproductible. C'est vrai que oui, moi, ça me touche puisque depuis maintenant, je m'en suis fait presque une éthique de ne faire que des choses non reproductibles. Ouais. Pour échapper à la marchandisation, c'est nécessaire. J'allais dire c'est idéal. C'est pas que c'est idéal, c'est que c'est nécessaire. Si on veut échapper, oui, au tout marchandisable, il faut faire que des choses qui sont non reproductibles et non délocalisables. Or, ce qu'on a fait hier, c'est non délocalisable, on est bien d'accord. Ah ben complètement, c'est de l'écriture in situ. Complètement, et puis ça n'a aucun sens. Enfin, ça a un sens de le faire autrement ailleurs, mais ça n'a évidemment aucun sens de l'enregistrer, par exemple. Bon, il y a sûrement des gens, je voyais des gens avec leur enregistreur, pourquoi pas. Mais même moi, d'ailleurs, hier, tu as remarqué, j'avais un joli petit appareil photo. Ouais. Et ben ça me délocalisait un peu. Ça me mettait un peu trop à distance de ce qui était en train de se passer. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, et tu n'enregistres jamais quand tu... Alors je dis, mais non, surtout pas. D'abord, je quitte le fait de l'immersion. Mais oui. Et puis les gens le sentent quand tu n'es pas avec eux. Et puis voilà, là, parfois, je trouve même qu'après une balade, le mot est plus fort que le son. Le fait de raconter. Oui, c'est vrai. Après, c'est déjà une post-idéalisation de ce qu'on a vécu. Oui. Et en tout cas, c'est vachement bien. Mais à partir d'une matière qu'on a partagée, qu'on peut avoir partagée. C'est ça. Alors, ça peut être très subjectif, mais on assume. Bien sûr, ça le sera de toute façon. Eh bien, merci de cet entretien. Avec plaisir, Gilles. On en aura peut-être d'autres. Voilà. mais celui-ci, pour une fois, il est localisé dans la boîte, là. Ah oui, oui, oui, c'est ça. Oui, mais parce que là, il y a préméditation. Là, il y a préméditation. Mais peut-être que ça va rester un fichier mort. Hein, tant qu'on ne le réécoute pas, il est comme mort, quoi. Voilà. Il est dormant, on va dire. Et donc, si, peut-être que des gens le réécouteront dans un siècle et demi, ou je ne sais pas quoi. On fera partie de l'archéologie sonore comme tu le faisais à une époque. Oui, absolument. Ce sera une résurgence acoustique fossile. Voilà, on va l'ausculter dans les murs, emprisonnés. Non, mais c'est drôle. Il y a plein de gens, moi aussi, qui me demandent, mais alors, tu dois avoir une collection, par exemple. Moi, comme tu sais, c'est même pas une passion, c'est une seconde nature. Je ne peux pas passer à côté d'une clôture sans l'écouter. Oui. Donc j'écoute tous les barreaux, puis je dis, oh, c'est incroyable. Alors celui-là, je n'avais jamais entendu ce genre de... Et puis, de temps en temps, pour mes repérages, notamment pour instruments de mouvement ou urbaphonique, je fais un essai. Donc j'ai mon micro-contact ou mon stéthoscope. Oui. Et alors les gens me disent, tu dois avoir une collection de clôtures absolument incroyable. C'est vrai que si je les avais toutes enregistrées, j'en aurais des milliers, des dizaines de milliers. Mais dans la tête, oui. Dans la tête, c'est vrai que j'ai cette mémoire-là, mais je n'ai jamais songé à un moment donné à faire une banque d'échantillons de clôture. Ouais, ça m'est même jamais... Enfin, ça m'est venu à l'esprit, mais je me suis dit, mais ce serait un métier à plein temps. Oui, et à la fois le principe de Georges Perec, la tentative d'épuisement d'un lieu, c'est aussi... Oui, oui, c'est aussi... Sachant que c'est une utopie dès le départ. Hein. Ah, oui, tout à fait. Non, mais Perec, lui, il s'est imposé des méthodologies formelles pour probablement se libérer aussi de tas de trucs. Pour les houlipiens. Voilà, les procédés houlipiens qui sont vraiment intéressants. Bah, ça, c'est pas mon... Moi, je suis quelqu'un de trop intuitif. Moi non plus, mais je trouve ça très inspirant quand même, le travail de... entre justement l'infra-ordinaire. Et ben, c'est des stratégies pour échapper à la trivialité. Et aux convenances, j'allais dire, aux conventions et aux convenances. C'est des stratégies pour échapper aux convenances. C'est des stratégies de liberté. En fait. Je ne sais pas si on échappe à la trivialité ou si on la met en valeur aussi. Parce que ça dépend ce qu'on appelle trivialité. Oui. C'est comme ce qu'on appelle... C'est comme ce qu'on appelle commun, quoi. C'est marrant, ce mot commun qui est revenu un peu, qui est remonté à la surface, les communs, le bien commun. Et moi, je suis toujours obligé de repréciser ça avec le public. Je dis, on va faire un son en commun, par exemple. C'est pas un son commun, ça veut pas dire que c'est un son ordinaire. Oui. C'est un son collectif. Et justement, parce qu'il est collectif, il est extraordinaire. C'est ça. Donc le commun, comme tu dis, il peut être le trivial peut être, je sais pas, remarquable, et le commun peut être quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Parce qu'on philosophe très très tôt, là. Il n'est même pas 10 heures. On va garder de l'énergie. Oui, il faut garder de l'énergie, absolument.